Cinq grandes odes de Paul Claudel. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net. Quatrième ode. Argument. Invasion de l'ivresse poétique. Dialogue du poète avec la muse qui devient peu à peu la grâce. Il essaye de la refouler. Il lui demande de le laisser à son devoir humain, à la place de son âme. Il lui offre l'univers entier qu'il va recréer par l'intelligence et la parole. En vain, c'est à lui personnellement que la muse, qui est la grâce, ne cesse de s'adresser. C'est la joie divine qu'elle lui rappelle et son devoir de sanctification personnelle. Mais le poète se bouche les oreilles et se retourne vers la terre. Suprême évocation de l'amour charnel et humain. La muse, qui est la grâce. Encore. Encore la mer qui revient me rechercher comme une barque, la mer encore qui se retourne vers moi à la marée de Syzygie et qui me lève et remue de mon ber comme une galère allégée, comme une barque qui ne tient plus qu'à sa corde et qui danse furieusement et qui tape et qui sac et qui fonce et qui encense et qui culbute le nez à son piquet. Comme le grand pur sang que l'on tient aux naseaux et qui tangue sous le poids de l'Amazone qui bondit sur lui de côté et qui saisit brutalement les rênes avec un rire éclatant. Encore la nuit qui revient me rechercher, comme la mer qui atteint sa plénitude en silence à cette heure, qui joint à l'océan les ports humains pleins de navires attendants et qui décolle la porte et le bâtardeau. Encore le départ, encore la communication établie, encore la porte qui s'ouvre. Ah, je suis là de ce personnage que je fais entre les hommes. Voici la nuit, encore la fenêtre qui s'ouvre. Et je suis comme la jeune fille à la fenêtre du beau château blanc dans le clair de lune qui entend le cœur bondissant, ce bienheureux sifflement sous les arbres et le bruit de deux chevaux qui s'agitent. Et elle ne regrette point la maison. Mais elle est comme un petit tigre qui se ramasse, et tout son cœur est soulevé par l'amour de la vie et par la grande force comique. Hors de moi la nuit, et en moi la fusée de la force nocturne, et le vin de la gloire, et le mal de ce cœur trop plein. Si le vigneron n'entre pas impunément dans la cuve, croirez-vous que je sois puissant à fouler ma grande vendange de paroles sans que les fumées m'en montent au cerveau? Oh, ce soir est à moi. Ah, cette grande nuit est à moi. Tout le gouffre de la nuit, comme la salle illuminée pour la jeune fille à son premier bal, elle ne fait que de commencer. Il sera temps de dormir un autre jour. Ah, je suis ivre. Ah, je suis livré au Dieu. J'entends une voix en moi et la mesure qui s'accélère et le mouvement de la joie, l'ébranlement de la cohorte olympique, la marche divinement tempérée. Que m'importent tous les hommes à présent, ce n'est pas pour eux que je suis fait, mais pour le transport de cette mesure sacrée. Oh, le cri de la trompette bouchée, oh, le coup sourd sur la tonne orgiaque, que m'importe aucun d'eux, ce rythme seul, qu'ils me suivent ou non, que m'importe qu'ils m'entendent ou pas. Voici le dépliement de la grande aile poétique. Que me parlez-vous de la musique? Laissez-moi seulement mettre mes sandales d'or. Je n'ai pas besoin de tout cet attirail qu'il lui faut. Je ne demande pas que vous vous bouchiez les yeux. Les mots que j'emploie, ce sont les mots de tous les jours, et ce ne sont point les mêmes. Vous ne trouverez point de rime dans mes vers, ni aucun sortilège. Ce sont vos phrases mêmes. Pas aucune de vos phrases que je ne sache reprendre. Ces fleurs sont vos fleurs, et vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Et ces pieds sont vos pieds, mais voici que je marche sur la mer et que je foule les eaux de la mer en triomphe. Strophe 1. Ô muse, il sera temps de dormir un autre jour, mais puisque cette grande nuit tout entière est à nous, et que je suis un peu ivre, en sorte qu'un autre mot, parfois, vient à la place du vrai, à la façon que tu aimes, laisse-moi avoir explication avec toi. Laisse-moi te refouler dans cette strophe, avant que tu ne reviennes sur moi comme une vague, avec un cri félin. Va-t'en de moi un peu. Laisse-moi faire ce que je veux un peu. Car quoi que je fasse, et si que je le fasse de mon mieux, bientôt je vois un œil se lever sur moi en silence, comme vers quelqu'un qui feint. Laisse-moi être nécessaire. laisse-moi remplir fortement une place reconnue et approuvée. Comme un constructeur de chemin de fer, on sait qu'il ne sert pas à rien, comme un fondateur de syndicat. Qu'un jeune homme, avec son menton orné d'un flocon jaunâtre, fasse des vers, on sourit seulement. J'attendais que l'âge me délivrât des fureurs de cet esprit bachique. Mais, loin que j'immole le bouc à ce rire qui gagne des couches plus profondes, il me faut trouver que je ne fais plus sa part. Du moins, laisse-moi faire de ce papier ce que je veux, et le remplir avec un art studieux, ma tâche, comme ceux-là qui en ont une. Ainsi, le scribe égyptien recensait de sa pointe minutieuse les tribus et les parts de butin et les fils de 10 captifs attachés et les mesures de blé que l'on porte à la meule banale et les barques à la douane. Ainsi, l'antique sculpteur, avec sa tignasse rougie à la chaux, attrapée à sa bande de basalte noir avec la massette et le ciseau, et de temps en temps il souffle sur ses caractères pareils à des clous entrecroisés pour ôter la poussière et se recule avec contentement. Et je voudrais compasser un grand poème plus clair que la lune qui brille avec sérénité sur la campagne dans la semaine de la moisson et tracer une grande voie triomphale au travers de la terre. Au lieu de courir comme je peux la main sur l'échine de ce quadrupède ailé qui m'entraîne dans sa course cassée qui est à moitié, elle, et bon, laisse-moi chanter les œuvres des hommes et que chacun retrouve dans mes vers ces choses qui lui sont connues. Comme de haut, on a plaisir à reconnaître sa maison et la gare et la mairie et ce bonhomme avec son chapeau de paille, mais l'espace autour de soi est immense. Car à quoi sert l'écrivain, si ce n'est à tenir des comptes, que ce soit les siens ou d'un magasin de chaussures ou de l'humanité tout entière? Ne t'indigne pas, ô sœur de la noire pitié, qui broie la feuille de laurier entre ses mâchoires resserrées par le trisme prophétique et un filet de salive verte coule du coin de sa bouche. Ne me blesse point avec ce trait de tes yeux, ô géante, ne te lève pas avec cet air de liberté sublime. Ô vent sur le désert, ô ma bien-aimée pareille aux quadriges de Pharaon, comme l'antique poète parlait de la part des dieux privés de présence, et moi je dis qu'il n'est rien dans la nature qui soit fait sans dessein et propos à l'homme adressé, et comme lumière pour l'œil et le son pour l'oreille, ainsi toute chose pour l'analyse de l'intelligence. Continuez avec l'intelligence qui la refait de l'élément qu'elle récupère, que ce soit la pioche qui le dégage, ou le pan du prospecteur et l'amalgame de mercure, ou le savant, la plume à la main, ou le tricot des métiers, ou la charrue. Et je puis parler, continue avec toute chose muette, parole qui est à sa place intelligence et volonté, je chanterai le grand poème de l'homme soustrait au hasard. Ce que les gens ont fait autour de moi avec le canon qui ouvre les vieux empires, avec le canot démontable qui remonte la roue émue, avec l'expédition polaire qui prend des observations magnétiques, avec les batteries de hauts fourneaux qui digèrent le minerai, avec les frénétiques villes haletantes et tricotantes, et ça et là une anse bleue de la rivière dans la campagne solennelle, avec les ports tout bordés intérieurement de pinces et d'antennes, et le transatlantique qui signale au loin dans le brouillard, avec la locomotive qu'on attelle à son convoi, et le canal qui se remplit quand la fille de l'ingénieur en chef, du bout de son doigt sur le coup de poing, fait sauter à la fois la double digue. Je le ferai avec un poème qui ne sera plus l'aventure d'Ulysse parmi les listrigons et les cyclopes, mais la connaissance de la terre. Le grand poème de l'homme enfin par-delà les causes secondes, réconcilié aux forces éternelles. La grande voie triomphale au travers de la terre réconciliée pour que l'homme soustrait au hasard s'y avance. Antistrophe 1. Que m'importent toutes vos machines et toutes vos œuvres d'esclaves et vos livres et vos écritures? Ô vraiment, fils de la terre, ô pâteau aux larges pieds, ô vraiment né pour la charrue, arrachant chaque pied au sillon! Celui-ci était fort bien fait pour être clair d'étude, grossoyant la minute et l'expédition. Ô sort d'une immortelle attachée à ce lourd imbécile! Ce n'est point avec le tour et le ciseau que l'on fait un homme vivant, mais avec une femme. Ce n'est pas avec l'encre et la plume que l'on fait une parole vivante. Quel compte donc fais-tu des femmes ? Tout serait trop facile sans elles. Et moi, je suis une femme entre les femmes. Je ne suis pas accessible à la raison. Tu ne feras point de moi ce que tu veux, mais je chante et danse. Et je ne veux pas que tu aimes une autre femme que moi, mais moi seule, car il n'en est pas de si belle que je suis, et jamais tu ne seras vieux pour moi, mais toujours plus à mes yeux, jeune et beau, jusque tu sois un immortel, avec moi. Ô sot, au lieu de raisonner, profite de cette heure d'or, souris, comprends, tête de pierre, ô face d'âne, apprends le grand rire divin, car je ne suis point pour toujours ici, mais je suis fragile sur ce sol de la terre, avec mes deux pieds qui tâtent, comme un homme au fond de l'eau qui le repousse, comme un oiseau qui cherche à se poser, les deux ailes à demi reployées, comme la flamme sur la mèche. Vois-moi devant toi pour ce court moment, ta bien-aimée, avec ce visage qui détruit la mort. Celui qui a bu seulement plein son écuelle de vin nouveau, il ne connaît plus le créancier et le propriétaire. Il n'est plus l'époux d'une terre maigre et le colon d'une femme querelleuse avec quatre filles à la maison. Mais le voici qui bondit tout nu comme un dieu sur le théâtre, la tête coiffée de pampres, tout violet et poisseux du pis sucré de la grappe. Comme un dieu, aux côtés de la timélée, brandissant la peau d'un petit cochon plein de vin, qui est la tête du roi Panté. Cependant, qu'attendant son tour, le cœur des garçons et petites filles, aux voix fraîches, le regarde en croquant des olives salées. Telle est la vertu de cette boisson terrestre. L'ivrogne, peu à peu, plein de gaieté, voix double, les choses à la fois comme elles sont et comme elles ne sont pas, et les gens commencent à ne pas comprendre ce qu'il dit. La vérité sera-t-elle moins forte que le mensonge ? Ferme les yeux seulement et respire la vie froide. Fille de vous, ô chiche jour terrestre, ô noce, ô prémisse de l'esprit, bois de ce vin non fermenté seulement. Avance-toi et vois l'éternel matin, la terre et la mer sous le soleil du matin, comme quelqu'un qui paraît devant le trône de Dieu. Comme l'enfant Jupiter, quand il se tint ébloui sur le seuil de la caverne de Dictée, le monde autour de toi, non plus comme un esclave soumis, mais comme l'héritier et comme le fils légitime. Car ce n'est point toi qui es fait pour lui, mais c'est lui qui est fait pour toi. C'en est fait, pourquoi se roidir davantage et résister contre l'évidence de ta joie et contre la véhémence de ce souffle céleste ? Il faut céder, triomphe et frappe du pied la terre. Car qui s'attache à rien, c'est qu'il n'en est plus le maître, et foule la terre sous tes pieds, comme quelqu'un qui danse. Ris donc, je le veux, de te voir, ris, immortel, de te voir parmi ces choses périssables. Et raille, et regarde ce que tu prenais au sérieux, car elles font semblant d'être là, et elles passent. Et elles font semblant de passer, et elles ne cessent pas d'être là. Et toi, tu es avec Dieu pour toujours. Pour transformer le monde, il n'est pas besoin pour toi de la pioche et de la hache et de la truelle et de l'épée, mais il te suffit de le regarder seulement de ces deux yeux de l'esprit qui voit et qui entend. Strophe 2. Non, tu ne me feras pas reculer davantage. Parole, parole, parole, parole de femme, parole, parole de déesse, parole de tentatrice. Pourquoi me tenter ? Pourquoi me traîner là où je ne puis pas voler ? Pourquoi montrer ce que je ne puis pas voir, et parler de la liberté à ce fils de la terre ? J'ai un devoir qui n'est pas rempli, un devoir envers toute chose, pas aucune à quoi je ne sois obligé. Laisse-moi donc tenir à cela que je ne puis posséder. Une femme n'a pas de devoir. Rions, car ceci est bon. Ô douceur, ce moment du moins est bon. Ô la femme qui est en moi. J'ai durement acquis d'être un homme à ces choses habituées qui ne sont pas gratuites et qu'il faut prendre pour les avoir, apprendre, comprendre. Ah, quoique mon cœur se brise, non, je ne veux point. Va-t'en de moi un peu, ne me tente pas ainsi cruellement. Ne me montre point cette lumière qui n'est pas pour les fils de la terre. Cette lumière-ci est pour moi si faible qu'il lui faut la nuit pour qu'elle m'éclaire. Pareil à la lampe de l'habitacle. Et au dehors sont les ténèbres et le chaos qui n'a point reçu l'évangile. Seigneur, combien de temps encore ? Combien de temps dans ces ténèbres ? Vous voyez que je suis presque englouti. Les ténèbres sont mon habitation. Ténèbres de l'intelligence, ténèbres du sang, ténèbres de la privation de Dieu, ténèbres actives qui sautent sur vous comme la panthère, et l'haleine d'Istar au fond de mes entrailles, et la main de la mère des morts sur ma chair, ténèbres de mon cœur mauvais. Mais mon devoir n'est pas de m'en aller, ni d'être ailleurs, ni de lâcher aucune chose que je tiens, ni de vaincre, mais de résister, et ni de vaincre, mais de résister et de tenir à la place que j'occupe, et ni de vaincre, mais de n'être pas vaincu. Ô Seigneur, combien de temps encore cette veille solitaire et l'endurance de ces ténèbres que vous n'avez pas faites ? Vous ne m'avez point commandé de vaincre, mais de n'être pas vaincu. Vous n'avez pas mis une épée entre mes mains. Vous n'avez pas mis un éclatant cri dans ma bouche comme Achille quand il parut tout nu sur le revers du fossé, non point le coup de gueule du lion mangeur de vaches, mais le cri humain. Et d'un seul coup, l'envahisseur en frémissant s'arrêta quand il entendit, et le cœur des femmes dans le gynécée et les dieux dans les profonds pénétraux retentirent à la fois du fils de la mer. Mais vous m'avez placé dans la terre, afin que j'endure la gêne et l'étroitesse et l'obscurité et la violence de ces autres pierres qui sont appuyées sur moi, et que j'occupe ma place pour toujours comme une pierre taillée qui a sa forme et son poids. Ne me permettez point de me soustraire à votre volonté, à la terre qui est votre volonté. La pierre sous l'autre pierre est mon œuvre dans votre œuvre, et mon cœur dans votre cœur, et la passion de ce cœur plein de cité. Alors, ne permettez point à celle-ci qu'elle vienne me tenter comme un jeune homme, non point avec un chant et avec la beauté de son visage. Où la suivrai-je, qui, au bout de 4 pas, n'est plus là? Mais si la pauvre bête même répond au nom par quoi on l'appelle, combien plus contagieux à mon esprit ne cueillera point le langage enfin réel, et le soupir féminin, et le baiser intelligible, et le sens pur ineffablement contemplé, dont mon art est de faire une ombre misérable avec des lettres et des mots. Antistrophe 2. Ô lourd compère, non, je ne te lâcherai point, et ne te donnerai point de repos. Et si tu ne veux apprendre de moi la joie, tu apprendras de moi la douleur. Et je ne te laisserai point aller du pas des autres bons hommes ta route. Jusque tu aies tout deviné cela que je veux dire, et celle-là n'est pas facile à entendre, qui n'a point voix ni bouche, ni le regard de l'œil et le doigt qu'on lève, et cependant je te serai plus exigeante et cruelle que si je dictais le mot et la virgule, jusque tu aies appris la mesure que je veux. À quoi ne sert point de compter 1 et 2 ? Tu l'apprendras, serait-ce avec le hoquet de l'agonie. Comme ton oncle, le gros chasseur, quand il fut frappé de son coup de sang, on l'entendait râler à l'autre bout du village. Je veux que tu sois mon maître à ton tour. Debout, marche devant moi, je le veux, afin que je regarde et ris, et que j'imite, moi, la déesse, ton avancement mutilé. Je ne t'ai point permis de marcher comme les autres hommes d'un pied plan, car tu es trop lourd pour voler, et le pied que tu poses à terre est blessé, ni dans la joie, ni dans la douleur. Avec moi, point de repos. Que parles-tu de fondation ? La pierre seule n'est pas une fondation. La flamme aussi est une fondation. La flamme dansante et boiteuse. La flamme biquante et claquante de sa double langue inégale. Strophe 3. Ô part, ô réservée, ô inspiratrice, ô partie réservée de moi-même, ô partie antérieure de moi-même, ô idée de moi-même qui était avant moi, ô partie de moi-même qui est étrangère à tout lieu, et ma ressemblance éternelle qui touche à certaines nuits mon cœur, comme l'ami qui est une main dans ma main, plus infortuné que ces 2 astres amants qui à chaque an se retrouvent d'un côté et de l'autre de l'infranchissable lait. Vois-moi, ridicule et blessé, étouffé au milieu de ces hommes irrespirables. Ô bienheureuse, et dis une parole céleste, dis seulement une parole humaine. Mon nom seulement dans la maturité de la terre, dans ce soleil de la nuit hyménéenne, et non pas un de ces terribles mots sans un son que tu me communiques, un seul comme une croix pour que mon esprit y reste attaché. Ô passion de la parole, ô retrait, ô terrible solitude, ô séparation de tous les hommes, ô mort de moi-même et de tout en qui il me faut souffrir création, ô sœur, ô conductrice, ô impitoyable, combien de temps encore ? Déjà, quand j'étais un petit enfant, c'était toi-même. Et maintenant, pour toujours, je demeure l'homme unique et impair, plein d'inquiétudes et de travaux. Celui qui a acheté une femme à l'âge juste, ayant mis l'argent de côté peu à peu, il est avec elle comme un cercle fermé et comme une cité indissoluble, comme l'union du principe et de la fin qui est sans défaut, et leurs enfants entre deux comme de tendres graines mûrissantes. Mais toi, je n'ai aucun droit sur toi, et qui peut savoir quand tu viens ? Qui peut savoir ce que tu me demandes ? Plus que jamais une femme. Tu murmures à mon oreille, c'est le monde tout entier que tu me demandes. Je ne suis pas tout entier si je ne suis pas entier avec ce monde qui m'entoure. C'est tout entier moi que tu demandes, c'est le monde tout entier que tu me demandes. Lorsque j'entends ton appel, pas un être, pas un homme, pas une voix qui ne soit nécessaire à mon unanimité. Mais en quoi ma propre nécessité ? À qui suis-je nécessaire qu'à toi-même qui ne dis pas ce que tu veux ? Où est la société de tous les hommes ? Où est la nécessité entre eux de tous les hommes ? Où est la cité de tous les hommes ? Quand je comprendrai tous les êtres, aucun d'eux n'est une fin en soi, ni le moyen pour qu'ils soient. Il le faut. Et cependant, quand tu m'appelles, ce n'est pas avec moi seulement qu'il faut répondre, mais avec tous les êtres qui m'entourent. Un poème tout entier comme un seul mot, tel qu'une cité dans son enceinte, pareil au rond de la bouche. Comme jadis le magistrat accomplissait le sacrifice du bœuf, du porc et du mouton. Et moi, c'est le monde tout entier qu'il me faut conduire à sa fin, avec une hécatombe de paroles. Je ne trouve ma nécessité qu'en toi que je ne vois point, et toutes choses me sont nécessaires en toi que je ne vois point. Elles ne sont pas faites pour moi, leur ordre n'est pas avec moi, mais avec la parole qui les a créées. Tu le veux, il faut me donner enfin, et pour cela il faut me retrouver en tout, qui de toute chose l'attend suit le signe et la parcelle et l'hostie. Qu'exiges-tu de moi ? Est-ce qu'il me faut créer le monde pour le comprendre ? Est-ce qu'il me faut engendrer le monde et le faire sortir de mes entrailles ? Ô œuvre de moi-même dans la douleur, ô œuvre de ce monde à te représenter, comme sur un rouleau d'impression, on voit par couches successives apparaître les parties éparses du dessin qui n'existe pas encore, et comme une grande montagne qui répartit entre des bassins contraires ses eaux simultanées, ainsi je travaille et ne saurai point ce que j'ai fait. Ainsi l'esprit, avec un spasme mortel, jette la parole hors de lui, comme une source qui ne connaît point autre chose que sa pression et le poids du ciel. Antistrophe 3. Tu m'appelles la muse, et mon autre nom est la grâce qui est apportée aux condamnés et par qui sont foulés aux pieds la loi et la justice. Et si tu cherches la raison, il n'en est point que cet amour qu'il y a entre toi et moi. Ce n'est point toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi avant que tu ne sois né. Entre tous les êtres qui vivent, je suis la parole de grâce qui est adressée à toi seul. Pourquoi Dieu ne serait-il pas libre comme toi ? Ta liberté est l'image de la sienne. Voici que je m'en suis allé à ta rencontre, comme la miséricorde qui embrasse la justice l'ayant suscitée. Ne cherche point à me donner le change, n'essaye point de me donner le monde à ta place, car c'est toi-même que je demande. Ô libérateur des hommes, ô réunisseur d'images et de cités, libère-toi toi-même, réunisseur de tous les hommes, réunis-toi toi-même, sois un seul esprit, sois une seule intention. Ce n'est point l'auge et la truelle qui rassemblent et qui construit, c'est le feu pur et simple qui fait de plusieurs choses une seule. Connais ma jalousie qui est plus terrible que la mort. C'est la mort qui appelle toute chose à la vie. Comme la parole a tiré toute chose du néant afin qu'elle meure, c'est ainsi que tu es né, afin que tu puisses mourir en moi. Comme le soleil appelle à la naissance toutes les choses visibles, ainsi le soleil de l'esprit, ainsi l'esprit pareil à un foudre crucifié, appelle toutes choses à la connaissance, et voici qu'elles lui sont présentes à la fois. Mais après l'abondance d'avril et la surabondance de l'été, voici l'œuvre d'août, voici l'extermination de midi, voici les sceaux de Dieu rompus qui s'en vient juger la terre par le feu. Voici que du ciel et de la terre détruits, il ne se fait plus qu'un seul nid dans la flamme, et l'infatigable cri de la cigale remplit la fournaise assourdissante. Ainsi le soleil de l'esprit est comme une cigale dans le soleil de Dieu. Va-t'en, je me retourne désespérément vers la terre. Va-t'en, tu ne m'ôteras point ce froid goût de la terre, cette obstination avec la terre qu'il y a dans la moelle de mes os et dans le caillou de ma substance et dans le noir noyau de mes viscères. Vainement, tu ne me consumeras point. Vainement, plus tu m'appelles avec cette présence de feu et plus je retire en bas vers le sol solide, comme un grand arbre qui s'en va rechercher le roc et le tuf de l'embrassement et de la vis de ses 82 racines, qui a mordu à la terre, il en conserve le goût entre les dents. Qui a goûté le sang, il ne se nourrira plus d'eau brillante et de miel ardent. Qui a aimé l'âme humaine, qui une fois a été compacte avec l'autre âme vivante, il y reste pris pour toujours. Quelque chose de lui-même désormais hors de lui vit au pain d'un autre corps. Qui a crié ? J'entends un cri dans la nuit profonde. J'entends mon antique sœur des ténèbres qui remonte une autre fois vers moi, l'épouse nocturne qui revient une autre fois vers moi sans maudire, une autre fois vers moi avec son cœur, comme un repas qu'on se partage dans les ténèbres, son cœur comme un pain de douleur et comme un vase plein de larmes. Une autre fois du ténard, une autre fois de l'autre côté de ce bas canal qui n'éclaire pas même le ray d'un astre de plomb, et la corne lugubre d'Hécate. Tientsin, 1907.